Méditerranée, cité dortoir où notre avenir paraît comme un handicap. On grandit pas car on s'est perdu à la racine. La parano nous fascine, on mise sur elle sans avoir le bon tirage. On passe nos nuits à tourner, à faire les emparts. Tu sais, chez nous on a caillassé le marchand de sable. L'apparence peu présentable entre les autres et mes semblables. Entendre à longueur de temps que les mains de mes gars sont sales. À ce qui paraît, on est associable, peu de chance qu'on marche pas. Et pour cela, ils nous destinent à être manœuvre ou garçon de salle. Les temps sont graves et si mes chansons parlent, tu comprendras que chez nous, un homme ne porte pas de caleçon crade. Certes, j'ai peut-être pas une image joviale, va nique pas connard. Je suis pas un animal sauvage, mais juste un rappeur de plus, loin des parties de bastonnade. Qui parle de sa vie, ses peines, ses rêves quand il a trop mal. C'est fou le nombre d'enfants dans l'âme qui font de larmes à faim fond pour une histoire de drame. Un fait dont la fin se noie dans un fond de larmes, fauché par les lames de fond de la vie quand le vie charme. C'est fou le nombre d'enfants dans l'âme qui font de larmes à faim fond pour une histoire de drame. Un fait dont la fin se noie dans un fond de larmes, fauché par les lames de fond de la vie quand le vie charme. Là où il a fallu c'est pour pas avoir à dire merci. Je suis un de ceux qui se trouvent muets devant la flambe des prix. Le monde est dingue, et tu peux vraiment t'inquiéter. Si tu crois que vivre sans flingue, c'est se tirer une balle dans le pied. J'ai rangé mon poing, mon frein et mes pages. Rangé la rage dans le cahier pour la rapper à vos visages. J'ai trop souvent soif et ce besoin de planer. Mes belles à l'atterrissage sans parachute doré. Sans jouer les gros bras, je rappe pour baliser ma route. Sans prétendre être qui je ne suis pas, j'écris pour balayer les doutes. Y'a plus d'un trou dans nos poches, plus d'un loup sur notre arche. Prêt à te sauter à la gorge si tu touches à notre équipage. Le monde est dingue. Le monde est dead. Alors tu trébuches, est difficile de se relever. C'est sous ta capuche qu'ils opèrent. Cerveau des laves, c'est tu perds, tu gagnes. Mais y'a personne à l'arrivée, ils t'imposent ce chemin qui t'empêchera de dériver. Alors certains font confiance à la chance, même si les dés sont pipés selon ton lieu de naissance. Mon enfance passée à construire cette façade. Conscient de la chance d'être né en France, même si l'ambiance est maussade. Connais le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Moi je pesais le médiocre en me disant c'est toujours ça. On me conseillait de m'épanouir et de communiquer. Va ouvrir le débat quand t'as 24-7 les dents serrées. Rien avant, c'est moi qui raison, je les ai trop entendus. Trop souvent tourné autour du pot, saignant le feu défendu. Depuis j'écris des textes pour m'affranchir de ce vécu. Comme ces plaies qui s'infectent, d'où il faut extraire le pus. C'est fou le nombre d'enfants dans l'âme qui font de larmes à faim fond pour une histoire de drame. Un fait dont la fin se noie dans un fond de larmes, fauché par les lames de fond de la vie quand le vie charme. C'est fou le nombre d'enfants dans l'âme qui font de larmes à faim fond pour une histoire de drame. Un fait dont la fin se noie dans un fond de larmes, fauché par les lames de fond de la vie quand le vie charme. DJ Vice, Diver, Skype, Zidou Pacini, c'est le clan d'Instinct, c'est fou, hein, Technico. Eh ouais ma gueule, c'est du bim pam prod.